Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le Kenya, encore victime de la violence. On l'a encore vu il y a peu de temps avec la monstrueuse prise d'otages opérée par les Chebabs somaliens à Nairobi. Mais M. X, lui, est remonté plus loin dans le temps. C'est à peine si on osait prononcer le mot « Mao Mao », un mot qui faisait peur aux Blancs des années 50-60 et véhiculait toutes sortes de fantasmes dans la colonie britannique du Kenya. Le Mao Mao, qui aurait été, je l'ai lu sous la plume d'un bon auteur, le produit de la sauvagerie ancestrale de l'Afrique. Mais ne fallait-il pas diaboliser le Mao Mao pour mieux le haïr, mieux le tuer? Si M. X a décidé aujourd'hui de parler des combattants indépendantistes Mao Mao, c'est que, 50 ans après la décolonisation du Kenya, le Royaume-Uni vient tout juste de reconnaître la brutalité de la répression contre les rebelles kényans et que les autorités britanniques ont même décidé d'indemniser les victimes d'une politique coloniale qui a conduit plusieurs dizaines de milliers de Noirs dans des camps de concentration où ils ont été maltraités et souvent torturés. Cette repentance tardive, et rien moins que spontanée, résulte de la déclassification d'archives trop longtemps dissimulées, des documents accablants sur les pratiques colonialistes des gouvernements britanniques de l'époque. Notons au passage que, parmi les victimes de cette impitoyable répression, figure un certain Hussein Onyango Obama, le grand-père du président états-unien. Dans un instant, avec M. X, la véritable histoire de la rébellion Mao Mao. Une observation d'abord. D'où vient cette appellation Mao Mao? Ça reste très mystérieux. car ces rebelles kényans ne se sont eux-mêmes jamais nommés ainsi. Ils s'appelaient « combattants de la liberté » ou encore « combattants de la forêt ». Alors, qui a inventé ce mot ? Vraisemblablement les colons, pour qui Mao Mao est devenu rapidement synonyme d'assassin et de sauvage. Mais ça pourrait aussi être l'acronyme en langue swahili de l'expression « que le blanc retourne en Europe, que l'Africain devienne libre ». Ah oui. Toutefois, l'important est que Mao Mao était au temps de la colonie un terme péjoratif, tout comme le mouvement de résistance contre le pouvoir colonial relevait alors d'un dérangement mental collectif. Ah, vous n'exagérez pas, là ? Oh, pas du tout. Tenez, en préparant cet entretien, je suis tombé sur un texte écrit par le gouverneur britannique du Kenya, Sir Philip Mitchell. Je vous le lis, c'est très bref. Il est intolérable que des hommes ayant reçu quelque éducation puissent décrire cette perversité monstrueuse et nauséabonde comme un mouvement de résistance. À moins, bien sûr, qu'ils veuillent dire par là un mouvement de résistance contre Dieu. La bienséance et la morale. Et en fait, contre tout ce qui distingue l'homme des reptiles mangeurs de charogne. Eh ben, dites-moi, c'est violent, hein ? Il faut vous dire que ça correspond bien à l'état d'esprit général des Blancs, établi au Kenya, pour qui les Mao Mao étaient des assassins brutaux et sauvages, et qui prenaient plaisir à tuer leurs victimes, et massacraient hommes, femmes et enfants sans distinction. Mais attendez là, est-ce qu'il y avait quand même un petit fond de vérité ? Je vais vous répondre par un premier chiffre. Le combat pour l'indépendance, qui a duré plusieurs années, a provoqué la mort de 32 Blancs. Seulement 32, j'allais dire. Même si c'est toujours trop. Et du côté des autochtones, alors ? Officiellement, selon le pouvoir colonial, il y aurait eu 11 000 morts. Mais ce chiffre a depuis été revu à la hausse par les historiens qui estiment qu'entre 30 000 et 90 000 Kenyans ont péri, tandis que 160 000 autres ont été emprisonnés sans procès dans des camps où ils ont subi la torture, les mauvais traitements et parfois même des castrations. Oui, alors à côté des 32. Donc la férocité des Mao Mao est un mythe ? Pas tout à fait. Parce qu'il faut reconnaître que les Mao Mao se sont montrés impitoyables envers les Kenyans, qui se sont mis au service du pouvoir colonial. Eh, c'était un peu l'équivalent de Noirki, ça. Policiers et miliciens, oui. Et vous avez raison de faire indirectement allusion à la guerre d'Algérie, car d'une certaine façon, les Britanniques ont été des pionniers en matière de répression anti-indépendantiste ou anti-subversive, avant même des gens comme Massu, Pijard ou Osares. Ouais, ce qu'on a appelé la théorie de la contre-insurrection. Et qui sera souvent à l'initiative de militaires français, appliquée en particulier par les dictatures sud-américaines ou par l'armée états-unienne au Vietnam. Mais en 1948, les Britanniques avaient déjà expérimenté ces méthodes en Malaisie avant de les appliquer au Kenya. Alors comment tout a commencé ? Je vous raconte tout de suite. Auparavant, quelques informations sur le Kenya. Comme dans nombre d'autres pays africains, on y trouve une véritable mosaïque ethnique. Cependant, on peut distinguer deux grands groupes. Les Bantous, auxquels appartient l'ethnie la plus importante du pays, les Kikuyu, ce sont en général des agriculteurs. Et puis il y a au nord les tribus nilotiques, où l'on trouve surtout des pasteurs. Nilotiques, c'est-à-dire près du Nil. Hein. Donc ce sont plutôt des nomades, ceux-là. Hein. Et en tout, alors, combien d'habitants ? Dans les années qui nous intéressent, c'est-à-dire les années 50, on compte à peu près 5 millions de Kenyans, dont environ 1,5 million de Kikuyu. Et les colons blancs, hein ? Européens, sud-africains ou originaires d'autres colonies de l'Empire britannique, ils sont un peu moins de 30 000. Ouais, très, très minoritaires. Donc, certes, hein. Mais ce sont des gens qui sont venus au Kenya pour s'y installer durablement et y faire leur vie, essentiellement en exploitant une terre très fertile. Alors justement, la géographie, là. Les terres les plus riches se trouvent dans une grande dépression, la vallée du Rift, qui est bordée de part et d'autre par de grands plateaux qui culminent à 1800 mètres d'altitude et sont dominés par le mont Kenya. Ces hautes terres sont encore appelées les terres blanches, car c'est là que se sont d'abord installés les fermiers blancs pour échapper aux maladies tropicales. La guerre des Mao Mao se déroulera essentiellement dans ces régions fertiles du centre qui sont aussi le territoire ancestral des Kikuyu. Et le reste du pays demeura pratiquement à l'écart du conflit. Ouais, ce n'est donc pas un hasard si la guerre concernera d'abord les terres les plus riches. Bah, évidemment, parce que ce sont les terres les plus convoitées. Alors un peu d'histoire, et vous comprendrez mieux. C'est au congrès de Berlin, en 1885, que la Grande-Bretagne s'est vue octroyer le Kenya qui sera d'abord un protectorat, puis une colonie. Et dès 1905, après la construction d'un chemin de fer qui traverse le Kenya, le pays devient une colonie de peuplement. Oui, un peu comme l'Algérie, alors. Oui, et ces colons décidés à rester sont les seuls à pouvoir détenir des droits fonciers. Mais les Noirs sont exclus. Et ils sont cantonnés spatialement dans des réserves étroitement contrôlées. Le commissaire du protectorat, Sir Charles Elliot, ouvertement raciste, affiche son objectif. La création définitive d'un pays africain pour l'homme blanc. Mais pour cultiver ces grandes propriétés offertes aux colons, bah, il faut de la main-d'œuvre. Aussi crée-t-on un statut pour les ouvriers agricoles africains. Ces squatters, comme on les appelle, et qui sont majoritairement des Kikuyu, peuvent disposer d'un lopin sur les grands domaines à condition de donner aux propriétaires une centaine de jours de travail. Bah, c'est du servage, ça. Sur des terres qui étaient autrefois les leurs. Parenthèse. En 1418, 150 000 Kenyans seront enrôlés dans l'armée britannique où ils serviront comme porteurs. Une vraie saignée humaine qui va entraîner la chute de la production agricole et une grave famine entre 1917 et 1919. Bon, passons. Dans les années suivantes, on perfectionne le système, si j'ose dire, les lois garantissant des baux de 999 ans sur les hautes terres entérinent la discrimination raciale. Pire encore, pour mieux surveiller les Noirs et leurs déplacements, on les oblige à porter autour du cou une pancarte avec nom, origine ethnique, employeur et même salaire. Ouais. Un peu comme on fait pour le bétail, ouais, quoi. Exactement. Ouais. Ainsi, le pouvoir pense limiter l'absentéisme et les désertions sur les lieux de travail. Désertions qui deviennent d'ailleurs des infractions criminelles, passibles de lourdes amendes, voire de prison. Parallèlement, des missionnaires de toutes obédiences affluent dans la colonie. Et l'on observe aussi la formation d'une classe autochtone de petits bourgeois. Alors que les pauvres sans terre vont se réfugier en ville. Ouais, vous le créez des bidonvilles. Ah, c'est aussi l'époque des années 20 et 30 où apparaissent les premières mobilisations anticoloniales. Mmh. Sous quelle forme alors? Une association, Kikuyu, dont l'un des leaders est déjà Jomo Kenyatta. Ouais, ça, c'est le futur père de l'indépendance. Ça. Oui, et qui sera aussi le premier président du Kenya libre. Et quelles sont les revendications alors de cette association? Ben, il n'est pas encore question d'indépendance, mais surtout de partage des terres, car le problème devient de plus en plus crucial. Dans les grandes propriétés, les colons rationalisent et mécanisent à outrance. Ils ont donc moins besoin de main-d'œuvre noire. Ils veulent même récupérer les terres allouées aux squatters. Conséquence, ces Noirs expulsés doivent trouver refuge dans des réserves déjà surpeuplées ou rejoindre les villes. Ou plutôt les bidonvilles, car les centres urbains sont interdits à tout Noir qui n'a pas de carte de travail. Ouais, l'apartheid, quoi. Et j'imagine que toutes ces restrictions nourrissent le mécontentement. Et les revendications. Après la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative de Jomo Kenyatta, se crée l'Union africaine du Kenya, la CANU. C'est le premier mouvement politique de masse et interethnique. Mais la question de l'indépendance n'est pas clairement posée et ses actions sont encore non violentes et légalistes. Mmh. Et en face alors? Bah, le colonisateur campe sur ses positions conservatrices. Ouais. Et ça va forcément déboucher sur la violence. Bah, bien entendu. En 1950, l'échec d'une grève générale à Nairobi est le point de départ de troubles très violents et même de l'assassinat de plusieurs politiciens. Dès ce moment, la CANU est débordée sur sa gauche, notamment chez les Kikuyu, où les mouvements Mau-Mau vont apparaître. D'où l'adoption alors de l'action armée. Oui, mais ce recours à la violence ne fait pas l'unanimité chez les protestataires. Kenyatta, en particulier, s'y oppose publiquement, ce qui lui vaut de recevoir des menaces de mort. Il y a fort à parier que s'il n'avait pas été arrêté en octobre 1952, le futur président aurait sans doute fini sous les balles des Mau-Mau. En tout cas, la rébellion se propage rapidement. Des bidonvilles où les Kenyans sont cantonnés par la loi de ségrégation raciale, elles gagnent le pays Kikuyu, puis les hauts plateaux blancs et les réserves. Et dans un premier temps, rien ne semble pouvoir l'arrêter. There's been a revolution, a black revolution going on in Africa. In Kenya, the Mau Mau were revolutionaries. They were the ones who made the word Uhuru. They were the ones who brought it to the fore. The Mau Mau, they were revolutionaries. Wawa ni wakati, na kama we hujui ni wakati Woka maa ndani ya zangu pati pati Kuona ndugu zangu kijidha round yo sitaki Haki, nyuma tusi baki kibia shule. Henri de Montfred, aventurier écrivain, a beaucoup voyagé en Afrique de l'Est. Dans son récit « Le Serpent Rouge », il décrit le comportement d'un colon blanc du Kenya, John. La cruauté dans les châtiments est à ses yeux un gage de sa toute-puissance qui exalte l'infaillibilité de sa justice dans ses conditions. Un acte de clémence, qu'il ne faut pas confondre avec indulgence, apparaît comme une sorte de miracle. Ses employés, j'allais dire ses esclaves, étaient de la tribu des Kikuyu, race inférieure, sans dignité ni amour-propre, peut-être pour les avoir perdus après des siècles d'esclavage. Ces nègres courbés devant les nouveaux maîtres, on acceptait la morgue insolente et le mépris comme prérogative de la race blanche. Et Dieu sait si les Anglais, jaloux de ces prérogatives, les imposent avec une intransigeance féroce. En cela, John était resté anglais 100%. Il exigeait qu'à son passage, les Noirs se missent au garde-à-vous et quand l'un d'eux venait le solliciter, il devait baiser un coin de son vêtement selon le protocole des rois nègres. Devant les amis qui de temps à autre venaient chasser sur ses terres, il feignait de subir ces marques de respect, mais il n'était pas fâché qu'ils en eussent le spectacle. Alors voyons d'un peu plus près ce qu'est ce mouvement Mau Mau, qui est d'essence ethno-nationaliste. Ethnique parce qu'il est presque exclusivement composé de Kikuyu. Nationaliste car il a pour but de galvaniser le peuple Kikuyu dans le combat anti-britannique. Sa seconde caractéristique, c'est qu'il fonctionne comme une société secrète où le nouvel arrivant est soumis à un cérémonial d'initiation qui s'inspire des rites Kikuyu. De la magie ? C'est possible. En tout cas, ce rite d'initiation est l'un des facteurs qui alimente les fantasmes à propos des Mau Mau. On parle de cérémonies sanglantes et même de cannibalisme. Vrai ? Bien sûr que non. Mais tout est bon pour faire du sauvage un monstre primitif. Et ce qui inquiète particulièrement les Blancs, c'est le serment que prononce le nouvel initié. Un serment qui obligerait celui-ci à tuer. Mais là encore, il faut faire la part de l'exagération. Seul élément certain, parfois des villageois ont été contraints de prêter ce terrible serment. Et dans la culture Kikuyu, le serment, s'il était prononcé, engageait l'initié, qu'il le veuille ou non. Et il était donc difficile de le renier. C'est ça. Les Mau Mau n'étaient pas des agneaux. Et ils considéraient que les Kikuyu, qui n'étaient pas avec eux, étaient forcément contre. D'où un certain nombre d'exactions, en particulier contre les Kikuyu demeurés loyalistes. Mais enfin, ça, on en reparlera. D'accord. Est-ce que c'était un mouvement bien structuré ? Non. Certes, on a trouvé à sa tête quelques chefs emblématiques et lettrés, tels que Dedam Kimati ou Wauyu Yote. Mais il n'y a jamais eu de centralisation du commandement. En réalité, ces combattants de la forêt étaient regroupés en plusieurs bandes, dont la plus importante, selon les autorités coloniales, a compté 300 guerriers. Il faut aussi noter que les Mau Mau ont été victimes de divisions internes. Et c'est en vain que Kimati et les plus éduqués ont tenté de mettre en place un parlement unificateur. Et alors, au total, combien ont-ils été ? Oh, quelques milliers, peut-être 25 000, selon les récents travaux d'un chercheur. Sans surprise, les Mau Mau recrutaient chez les agriculteurs pauvres et sans terre, les squatteurs expulsés des grandes fermes ou encore les travailleurs urbains non qualifiés entassés dans les bidonvilles. Et de quel armement disposaient-ils ? Ils étaient pauvres, très pauvres. Ils étaient surtout munis d'armes blanches, massues, couteaux, flèches, lances. Et les rares armes à feu qu'ils ont possédées l'ont été à la suite de quelques attaques de commissariat. Conséquence, les Mau Mau n'ont jamais combattu à découvert et ont été obligés de livrer des actions de guérilla contre des fermes de colons ou des postes des autorités coloniales. Et vous m'avez dit que la rébellion ne s'est pas étendue à l'ensemble du pays. En effet, on a quand même pu distinguer trois fronts de guérilla. En pays Kikuyu, bien sûr, et sur les hauts plateaux blancs. Ensuite à Nairobi, la capitale. Et enfin dans les forêts très denses du Mont Kenya, où des maquis Mau Mau ont résisté jusqu'en 1960. Et la répression ? Elle a commencé dès le mois d'octobre 1952, alors que la rébellion débutait à peine. L'état d'urgence est alors instauré. et les forces coloniales se voient dotées de vastes pouvoirs pour arrêter et détenir toute personne suspectée d'appartenir à la rébellion. En une nuit, elles ont procédé à un vaste coup de filet, l'opération Jack Scott, au cours de laquelle ont été appréhendées 600 personnes, dont Jomo Kenyatta. Kenyatta qui était pourtant, même vous dit, hostile à la lutte armée. Ah oui, mais il n'empêche que pour le pouvoir colonial, il était l'un des instigateurs de la rébellion et il sera condamné à 7 ans de détention. En même temps, l'administration coloniale, pour étouffer dans l'œuf toute tentative de révolte, décide de mettre fin à l'activité politique dans la colonie, même si elle est légale. Résultat ? Ben effectivement, le calme règne durant 6 mois. En juin 1953, Londres nomme un commandant en chef au Kenya, le général Erskine. Il dispose des pleins pouvoirs et ne rencontre qu'au gouvernement britannique et met en place un conseil de guerre pour superviser la répression. En même temps, arrivent de nouveaux régiments, principalement en provenance des autres colonies. Quels sont les effets alors de l'intensification de la répression ? J'allais dire presque mécaniquement, elle pousse de nombreux jeunes Kikuyu à rejoindre les maquis. L'armée de la guérilla grossit. Hein. Mais il faut le dire tout de suite, elle ne constituera jamais un réel danger pour les forces coloniales, même si la lutte antisubversive ne faiblit pas, bien au contraire. À partir de mars 1953, le pouvoir entame la construction des camps de détention, tandis que se multiplient les arrestations de masse. De masse, c'est-à-dire ? Bon, c'est très simple. On arrête des centaines de gens et on filtre ensuite, tandis qu'on procède à de considérables transferts de population. En avril 1954, les autorités déclenchent, par exemple, l'opération Enclume. 20 000 suspects Mao-Mao sont arrêtés et incarcérés dans des camps de détention. L'opération a lieu aussi à Nairobi. Les bataillons britanniques établissent un cordon de sécurité autour de la ville pendant que d'autres unités l'investissent et la fouillent secteur par secteur, aidées par des informateurs locaux. Ça rappelle la bataille d'Alger. C'est le même principe. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les Anglais avaient été les pionniers. En tout cas, l'opération conduite à Nairobi s'est traduite par l'envoi dans des camps de 15 000 Kikuyu. Autre méthode qui sera reprise plus tard par les Américains au Vietnam, la villagisation. Pardonnez-moi ce néologisme. De quoi s'agit-il déjà ? Les individus suspects sont extraits de leurs réserves et regroupés dans des villages censés être protégés par la troupe. Ouais, mais en fait, ils sont surtout surveillés. C'est en effet le système qu'on a appelé les hameaux stratégiques dans la guerre du Vietnam. Fin 1955, on estime que près de 100 000 Kikuyu ont déjà été déplacés. La plupart sont donc détenus dans ces villages entourés de barbelés et astreints aux travaux forcés. Les gardiens sont des Kikuyu loyalistes, des miliciens qui participent aussi activement aux interrogatoires et aux tortures qui sont systématiques. Et naturellement, ça contribuera à exacerber la guerre entre les Kenyans eux-mêmes. J'y viens tout de suite. Le pouvoir colonial crée aussi des cours d'assises spéciales dont les verdicts sont excessivement sévères. Entre avril 1953 et décembre 1956, plus de 1500 Kikuyu sont exécutés par pendaison. Mais ce n'est pas étonnant. Au cours des procès, la parole des victimes des Mao-Mao l'emporte toujours. Quant à l'accusation, elle repose généralement sur de prétendus aveux estorqués par la violence. Mmh. Et sur le terrain, alors ? À partir de 1955, les opérations militaires se concentrent sur les zones forestières, celles en particulier du mont Kenya. Mais les militaires abandonnent les manœuvres de balayage à grande échelle, souvent peu efficaces au profit de petites opérations. D'ailleurs, la contre-guérilla. Oui, d'autant que dans ces zones de forêt impénétrables, les insurgés peuvent résister longtemps. Au moins, tant qu'ils sont ravitaillés par les populations des réserves. Alors, ces embuscades sont conduites par de petites sections des forces britanniques épaulées par les milices locales, les Home Guards, dont la contribution a été primordiale. En octobre 1955, on chiffre le nombre de rebelles arrêtés à 70 000 hommes. Et 13 000 autres ont été tués par les Britanniques depuis le début de l'insurrection. Mais c'est 1956 qui est l'année charnière. Pourquoi ? En octobre, l'un des principaux leaders Mao-Mao, Dedan Kimathi, est capturé. Il sera pendu quelques mois plus tard. La rébellion est alors à bout de souffle et va s'éteindre. Mais pas la répression, car les autorités coloniales sont bien décidées à mater définitivement l'ethnie Kikuyu. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a parlé des fantasmes associés au mouvement Mao Mao. Extrait d'un long reportage de Joseph Kessel, effectué au Kenya en 1954. Le romancier journaliste fait alors état du témoignage d'un vieux colon qui commence par lui dire ce qu'il faut penser de l'appellation même de Mao Mao. Certains prétendent qu'il veut dire voracité, impatience. D'autres estiment qu'on est en présence d'un très vieux mot voué au rite de magie noire. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter comment pour nous les événements se sont développés. Il y a un peu plus de 2 ans, des rapports singuliers commencèrent de parvenir au poste de police, au chef de district. Des kikuyu employés sur les propriétés des Blancs se plaignaient qu'on les eût traînés de force à des réunions où, sous les pires menaces, ils avaient dû prêter un serment terrible. Ils devaient accepter de mourir s'ils n'aidaient pas une société secrète appelée Mao Mao à chasser les Blancs du Kenya. On leur faisait boire alors du sang d'animal dans une corne de bouc et on les faisait passer 7 fois sous un arceau sur lequel étaient piqués des yeux de bélier. Rares étaient ceux qui avaient le courage de parler. Sur la plupart des initiés qui tremblaient encore de la peur ancestrale, ces cérémonies magiques avaient un pouvoir absolu. Donc, malgré la victoire sur la rébellion, la répression se poursuit. Et ça s'apparente à une sorte de tentative de purification ethnique. Contre les kikuyu, dont certains colons disent même qu'il faut extirper la folie et la sauvagerie qui les habitent. Plus largement, le pouvoir colonial justifie sa violence au nom du combat pour le progrès contre l'obscurantisme. Et bien sûr, pour la défense des valeurs occidentales et chrétiennes. Des valeurs qui sont pourtant niées chaque jour dans les camps de détention où sont brutalisés les Mao Mao. Mais si les Britanniques s'acharnent ainsi au Kenya, c'est aussi pour des raisons plus politiques. Oui, la lutte contre la subversion. Et la volonté de conserver ce qu'il reste de l'Empire. En 1947, la Grande-Bretagne a dû lâcher l'Inde. Oui, gros morceau. Hein. Et le Kenya est donc l'un des derniers joyaux de l'Empire. Et Churchill, redevenu Premier ministre à l'orée des années 50, a déjà envoyé la troupe en Malaisie pour mater la rébellion des communistes. Il n'agit pas autrement au Kenya. Ouais, alors, en toute bonne conscience. Apparemment. Mais quand même, pour se donner une justification morale, les autorités britanniques font venir de Londres un ethnopsychiatre très connu, Colin Carothers. Il va aboutir à une analyse assez ébouriffante. Il affirme que les Kikuyu souffrent d'une psychose de masse provoquée par une crise de transition entre les mondes primitifs et modernes. Par conséquent, pour se guérir, ces adeptes de la cause Mao Mao doivent se confesser afin d'entamer leur rééducation morale. Assez curieux. Mais enfin, concrètement, quelle forme prend la continuation de la répression ? À partir de 1956, les autorités procèdent à des opérations de dépistage. C'est-à-dire ? Dans les nombreux camps de détention, les prisonniers sont triés et numérotés. Ah oui, alors comme dans les camps nazis, au fond. Oui, alors il y a les Blancs, essentiellement des femmes et des enfants, qui, jugés non dangereux, sont relâchés. Les Gris, estimés proches de la cause Mao Mao, mais non combattants, sont envoyés dans des camps de travail forcés où beaucoup mourront de malnutrition et d'épuisement. Ah, et puis il y a les Noirs. Ah oui, ceux qui sont au cœur de la rébellion. Ils sont exécutés ou envoyés en prison où la torture est monnaie courante. Un seul exemple. On procède sur eux à des simulacres de noyade avec de l'eau mélangée à du kérosène. Mais les plus souvent, pour les affaiblir, ces détenus sont roués de coups jusqu'à ce qu'ils avouent et renient leur allégeance au serment Mao Mao. Ouais, le serment qui fait peur. Et hein. Les autorités appellent ça l'opération Progrès. Et ça se termine parfois très mal. Ainsi, en mars 1959, 11 détenus du camp de Hola ont été littéralement massacrés par leurs gardiens. Un épisode qui a fait scandale jusqu'à Londres, où un rapport officiel a conclu à l'usage excessif et généralisé de la force dans les camps de détention du Kenya. La conséquence, c'est qu'on a essayé de donner un cadre juridique et légal à l'utilisation de ces procédures barbares. Et c'est l'avocat général de la colonie qui s'y est collé. Ah bah racontez là. Bon, non sans hypocrisie, ce juriste a d'abord joué l'indignation, en estimant que les maltraitances étaient trop similaires à celles perpétrées par l'Allemagne nazie ou la Russie communiste. Aussi a-t-il recommandé que les coups donnés aux prisonniers soient uniquement portés sur les parties les moins vulnérables du corps, en évitant rate, foie et rein. Et il a ajouté, je cite à peu près, « Si nous devons pécher, nous devons le faire discrètement. » Et sans que ça se voit, quoi. Et c'est le même qui rédigera un long mémorandum sur la meilleure façon d'imposer le travail forcé sans violer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai aussi des luttes fratricides entre Kikuyu. En fait, une véritable guerre civile qui a opposé les Mao Mao et leurs partisans aux éléments dits loyalistes. Oui, c'est-à-dire les supplétifs. Policiers et miliciens, oui. Les Home Guards, comme les appelaient les Britanniques. On en a compté une vingtaine de mille, mais parmi ces loyalistes, il y avait aussi nombre de petits propriétaires qui ont grimpé l'échelle sociale dans les réserves et qui ont presque obligatoirement entretenu des relations avec l'administration coloniale. Une administration qui, bien évidemment, a exacerbé ses conflits internes et monté en épingle les exactions des Mao Mao. C'était le cas en mars 1953, lorsque des combattants de la forêt ont attaqué un village de Lari, une ethnie restée loyaliste. Un massacre ? Oui. 120 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. C'était pain béni pour les autorités coloniales qui ont donné une large publicité à cette tuerie afin de convaincre l'opinion nationale et internationale que le mouvement ne rassemblait que des assassins fanatiques. Par contre, ces mêmes autorités ont omis de parler de la vengeance meurtrière exercée ensuite par les miliciens des Home Guards. C'était de bonne guerre, si j'ose dire. Bon, je poursuis. En 1960, le pouvoir colonial met fin à l'état d'urgence. Et en 1961, Jomo Kenyatta sort de prison. Et on est alors en route vers l'indépendance. Et 3 ans plus tard, Kenyatta devient le premier président du Kenya indépendant. Quel est alors le sort réservé aux Mao Mao ? Le nouveau régime favorise plutôt les loyalistes. Kenyatta se méfie des anciens combattants Mao Mao. D'autant plus qu'il n'a pas lutté les armes à la main puisqu'il était en prison. Et que ce modéré a même condamné les actions violentes. Et donc évident que ces Mao Mao pourraient lui faire de l'ombre. Car il se considère comme le père de la nation. Déjà le culte de la personnalité ? Ça y ressemble. À partir de 1964, le jour anniversaire de la déclaration de l'état d'urgence, le 20 octobre 1952, est même célébré comme le Kenyatta Day. Ouais, le jour de Kenyatta. Dès lors, la lutte des Mao Mao est discrètement occultée pendant plusieurs décennies. Kenyatta semble être le seul dépositaire de la mémoire de la lutte héroïque contre l'impérialisme britannique. De la même façon, on tente d'oublier la lutte fratricide qui a déchiré la société Kikuyu. L'amnésie, donc. Le mot d'ordre devient « pardonne et oublie ». Et il faut attendre 2002 et la fin des règnes autoritaires de Kenyatta et de son successeur, Daniel Arap Moi, pour que la chape de plomb placée sur la guerre des Mao Mao se soulève. Mais comment alors ? Le nouveau gouvernement entend rendre justice aux victimes du colonialisme et des régimes précédents. Fin du silence au bout de 40 ans. Oui, on pense même mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation. Oui, comme en Afrique du Sud. Mais cette commission ne verra jamais le jour. Ça n'empêchera pas un groupe de 5 anciens Mao Mao de lancer une procédure judiciaire pour obtenir réparation contre le ministère britannique des Affaires étrangères qui aurait encouragé et supervisé les tortures dont ils ont été victimes et de réclamer une déclaration de regret et un fonds d'indemnisation. En même temps, la BBC diffuse un documentaire explosif, La Terreur Blanche. Conséquence ? Scotland Yard entame une enquête sur les crimes commis durant la répression, mais il n'y aura pas de suite. En 2003, le mouvement Mao Mao est enfin réhabilité par le pouvoir kényan. Les anciens combattants sont élevés au statut de héros de la nation. Et on commence la construction d'un site de commémoration qui devrait accueillir les dépouilles des combattants les plus célèbres, dont leur chef mythique, Dedan Kimathi. Et depuis février 2007, sa statue trône en plein centre-ville de Nairobi. Autre signe positif pour les Mao Mao, en 2010, le Kenyatta Day a été changé en jour des héros, englobant tous les résistants à la conquête coloniale. Et qu'en est-il alors des procédures judiciaires contre la Grande-Bretagne ? Tout au long des années 2000, les plaintes vont se multiplier. Mais la Grande-Bretagne s'efforce de bloquer les procédures. Et d'abord parce que Londres craint que des citoyens d'autres anciennes colonies ne fassent de même. Pourtant, en janvier 2011, on assiste à un important tournant. Sous la pression, la diplomatie britannique décide de déclassifier des milliers de dossiers qui dormaient dans un centre de recherche scientifique du gouvernement. Et opportunément dissimulé. Bon, c'est certain. En tout cas, à partir d'avril 2011, la Haute Cour de Londres a entendu les premiers témoins kényans, tandis que les documents sur la répression sont progressivement transférés aux archives nationales. Mais on a aussi appris à l'occasion que les gouvernements britanniques avaient systématiquement détruit les documents faisant état des mauvais traitements infligés à ces sujets dans les colonies. Enfin, vous le savez, en juin 2013, le Royaume-Uni a reconnu officiellement sa responsabilité dans la répression anti-Mao Mao. Mais est-ce que ça veut dire aussi versement d'indemnité ? Oui, le Foreign Office a passé un accord avec les avocats des plaignants. Il sera versé 23 millions d'euros aux quelques 5000 plaignants. Une somme qui couvre aussi les frais de construction d'un monument à la mémoire des victimes des tortures du régime colonial. Mais est-ce que pour autant, et maintenant, possible aux Kenyans de tirer un trait sur ce passé ? Non, les cicatrices demeurent. Celles de la colonisation, bien sûr, mais aussi celles de la guerre fratricide durant la guerre coloniale. On l'a observé fin décembre 2007 et début janvier 2008 avec les émeutes sanglantes qui ont suivi les élections présidentielles. Et des émeutes pour quelle raison ? Le désaccord électoral entre les candidats a réveillé l'éternel contentieux foncier. Surtout dans la fertile vallée du Rift où des Kikuyu s'étaient installés du temps de la colonie puis avaient été expulsés de leurs terres par les Britanniques. Et ces rivalités foncières n'ont cessé d'être instrumentalisées par le clientélisme politique. Ouais, mais les dernières élections présidentielles se sont déroulées dans le calme. Certes, mais le candidat élu, Uhuru Kenyatta, qui n'est autre que le fils du vieux Kenyatta, doit toujours rendre des comptes pour les événements de 2007-2008, puisqu'il est inculpé pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Une situation embarrassante pour un président élu. En effet. Et nul ne sait comment sera réglée cette question épineuse, qui, je le répète, est un lointain avatar de la colonisation. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X. En attendant, vous pouvez sur franceinter.fr communiquer avec nous et réécouter ce programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes, mis en forme par Michel Biou et Monsieur Joub, comme d'habitude, y a ajouté ses petites graines de musique. Et tout de suite après le flash, un autre poète, Denis Chessou.